Alors, nous avons déjà vu les traductions possibles de faire en anglais. Et il y a des expressions pour lesquelles il va nous falloir choisir entre to make et to do. En cas de doute, choisissez plutôt to make, probablement plus fréquent. Mais en règle générale, employez to do pour parler d'activité, surtout si l'activité en question est un mot en ing. Par exemple, à la maison, c'est toujours moi qui fais la cuisine. I always do the cooking. Et chez vous? Qui fait par exemple le repassage? The ironing. Alors, ironing s'écrit I-R-O-N-I-N-G, mais on ne prononce pas le R. Ironing. Ça vient de iron, qui désigne le fer, et donc ironing, c'est littéralement passer le fer. Vous pourriez répondre par exemple, je fais toujours le repassage, c'est-à-dire, je toujours fais le repassage. I always do the ironing. I always do the ironing. Et le ménage, c'est the housework, c'est-à-dire le travail à la maison, le travail de la maison. Housework, c'est encore un bel exemple de collage à l'anglaise. Vous remarquerez qu'ici aussi, tout comme on conduit à droite en France et à gauche au Royaume-Uni, l'ordre des mots house et work, qui composent housework, est inversé par rapport au français. Mot à mot, maison, travail. Alors comment direz-vous « je fais toujours le ménage » I always do the housework. I always do the housework. Et de la même manière, on avait vu dans la première partie l'exemple « Your sister did a remarkable job ». Donc on emploie « to do » pour les activités, mais « to make » pour une activité par laquelle on crée, on produit quelque chose. Alors sachant que « tasse » se dit « cup », C-U-P, comment direz-vous « je vais faire une tasse de café » I'm going to make a cup of coffee. I'm going to make a cup of coffee. Ou doté, a cup of tea, si vous préférez. Et comment direz-vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour le dîner? Alors ici, watch out, car comme vous le savez, généralement, on n'emploie pas the devant les noms de repas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour le dîner? Mot à mot, qu'est-ce que vous voulez, moi, faire pour dîner? What do you want me to make for dinner? What do you want me to make for dinner? Est-ce que vous avez remarqué que le verbe to want n'est jamais suivi de that? Bien. Alors voici quelques nouveaux mots dont vous allez avoir besoin. Le mot pour dire progrès en anglais est progress, P-R-O-G-R-E-2-S, et on l'emploie toujours au singulier. Une erreur se dit a mistake, M-I-S-T-A-K-E, et donc faire une erreur, to make a mistake. Et peu de se dit few. Alors, comment direz-vous, j'ai fait beaucoup de progrès et je fais très peu d'erreurs. J'ai fait beaucoup de progrès. I have made a lot of progress. I have made a lot of progress. Et je fais très peu d'erreurs. And I make very few mistakes. I have made a lot of progress and I make very few mistakes. Félicitations. Congratulations. Et puisque vous êtes si bien parti, comment direz-vous « je suis en train de parler anglais sans faire d'effort » En anglais, on dira « sans faire un effort ». I am speaking English without making an effort. I am speaking English without making an effort. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Alors, continuons. Si trop a la même traduction que trop de, too much, c'est-à-dire trop beaucoup, too much, comment dira-t-on? Généralement, ils font trop de bruit. Generally, they make too much noise. Generally, they make too much noise. Ok, je pense que c'est maintenant le moment de reprendre un autre usage du verbe faire, mais cette fois dans la construction faire quelque chose. Alors en anglais, pour exprimer l'équivalent de faire quelque chose, Par exemple, dans « Je voudrais faire réparer ma montre », on dira « Je voudrais avoir ma montre réparée ». I would like to have my watch repaired. Alors, de la même manière, sachant que couper se dit to cut, C-U-T, comment direz-vous « Je pense que tu devrais te faire couper les cheveux ». Alors, pour faire une suggestion, to make a suggestion, il vous faut employer « should », S-H-O-U-L-D. Et « watch out », puisque les cheveux, c'est « hair », mais au singulier. Alors, pour traduire « je pense que tu devrais te faire couper les cheveux », on dira littéralement « avoir tes cheveux coupés », car le « te » qui en français indique de qui sont les cheveux est rendu en anglais par « your ». Donc, « je pense que tu devrais avoir tes cheveux coupés ». I think you should have your hair cut. I think you should have your hair cut. Bien. Alors, personnellement, je n'aime pas faire les courses. I dislike shopping. Donc, j'ai choisi de me faire livrer une fois par semaine. Livrer se dit to deliver. D-E-L-I-V-E-R. Et une fois par semaine, once a week. Once. O-N-C-E. A week. Alors, comment direz-vous « Je fais livrer mes courses, my shopping, une fois par semaine. » I have my shopping delivered once a week. I have my shopping delivered once a week. Est-ce que vous avez bien remarqué l'expression de fréquence « once a week » ? On dit bien « once a week » et non « once by week ». Et si c'est deux fois par semaine, alors on dira « twice a week ». Et à partir de trois fois, c'est plus facile. Trois fois par semaine, three times a week. Prenons un nouvel exemple. Je fais vérifier les freins trois fois par an, avec vérifier qui se traduit to check. C-H-E-C-K. Et les freins sont the brakes. B-R-A-K-E-S. Bien, alors encore une fois, comment direz-vous ? Je fais vérifier les freins trois fois par an. I have the brakes checked three times a year. I have the brakes checked three times a year. Remarquez que break est un mot qui bénéficie de l'offre deux en un. Alors, comment est-ce que vous direz freiner? To break. To break, of course. Alors, encore un dernier exemple avant de passer à autre chose. Vous connaissez peut-être le verbe « to repair » pour dire « réparer ».« To repair », R-E-P-A-I-R. Alors, comment direz-vous « j'ai fait réparer mon ordinateur » ? I had my computer repaired. I had my computer repaired. Oui. Et vous aviez peut-être vu avec Michel Thomas que « réparer » peut aussi se dire « to fix », F-I-X. Donc, I had my computer fixed. I had my computer fixed.